إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، فقال المؤلف حفظه الله تعالى المسألة 45: فإذا قيل لك من شر البرية الذين يجب علينا بعضهم، فقل هم اليهود والنصارى والمشركون، والدليل قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لا تجد من يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Donc si on te demande qui sont les pires de la création qu'il nous est obligatoire de détester. Et ça, c'est la 45e question. Si on te demande qui sont les pires de la création qu'il nous est obligatoire de détester. Dis, ce sont les juifs, les chrétiens et les associateurs. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit « Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs seront dans le feu de la Jéhannam éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. » Et sa parole, dans le sens, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui se lie d'amitié avec ceux qui désobéissent à Allah et à son messager. Donc là, cette mas'ala, c'est la mas'ala qui concerne al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Des choses qui sont obligatoires sur le musulman. Car on a pris dans la définition de l'islam, la définition faite par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en al-islam, الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. C'est le fait de se soumettre à Allah par son obéissance, de se laisser mener par lui, par le tawhid, et le désaveu du shirk et de ses gens. Donc celui qui a l'iman et qui a le tawhid ne peut aimer les mécréants, qui qu'ils soient, qu'il s'agisse de leur père, de leur frère, de leur fils, ou rien de zalika. Il y a un amour naturel qui existe, mais cet amour-là ne rentre pas dans l'amour l'avisé par la législation, qui est le fait de les aimer et de s'allier à eux, par rapport à la religion. Les gens du livre ont été nommés gens du livre car ils ont reçu le livre auparavant. Et ils sont les juifs et les chrétiens. Les juifs ont reçu la Torah, et les chrétiens l'Injil, qui est le livre avec lequel Isa alayhi salam est venu. D'autres livres sont venus également, parmi d'autres messagers, mais ceux-là sont les plus connus actuellement, avec Zabour, le psaume, qu'on appelle les psaumes en français, le livre avec lequel est venu Daoud. Et Suhuf Ibrahim, ce qu'on appelle les feuillets d'Ibrahim. Et tous ces livres aujourd'hui, bien sûr, sont falsifiés et sont abrogés. Donc les gens du livre, à la base, sont peut-être les gens les plus proches de nous, car ils ont une origine de la vérité avec eux. Cependant, ils ont connu la vérité et l'ont délaissée. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il dit Oulaikahum shar al-bariya. Wa qala ta'ala mathalu alladhina humilu at-tawra thumma lam yahmiluha kamathali al-himar yahmilu asfara bi'sa mathalu al-qawm alladhina kadhabu bi-ayatillah wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Que l'exemple de ceux qui ont porté la Torah et qui ne l'ont pas appliquée sont comme l'exemple d'un âne qui porte des livres. Et quel mauvais exemple que celui de ceux qui ont démenti les versets d'Allah. On a Zulm, Zalimoun, là c'est les Koufars. Zulm al-Akbar. La plus grande injustice qui est le Koufr et le Shirk. Wa qala ta'ala, Inna sharra dawab inda Allah, allazina kafaru fahum la yu'minun. Et certes, les pires des bestiaux auprès d'Allah sont ceux qui ont mécru car ils ne croient pas. Donc la voie de détester les Koufars, les mécréants, est une chose qui nous est obligatoire. Il ne nous est pas permis de les aimer. Voire même, il nous est obligatoire de les détester. Le détester ne veut pas dire non plus les léser et être injuste envers eux. Dans notre cœur, on ressent de l'animosité envers eux et de la haine. On ne peut les aimer. Car ces gens-là s'opposent à Allah et à son messager. Et Allah, notre créateur, notre adoré, notre Seigneur. Donc comment aimer quelqu'un qui ne croit pas en ce quoi, pourquoi tu vis, c'est-à-dire tu adores ton Seigneur. Et quand bien il y croirait, il n'y croit que de façon partielle, pas complète, qui ne suffit pas à faire de lui un croyant. Comme c'est le cas des gens du livre. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأوا أبو داود عن نبي أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Que celui qui est aimé pour Allah, qui est détesté pour Allah et qui a donné pour Allah ou qui a privé pour Allah, a certes complété la foi. وفي الصحيحين عن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Amr ibn As, qu'il a dit, certes, les gens de Abu Fulayn ne sont point mes alliés, mais mon allié c'est Allah et les croyants. Et là il faisait allusion à des gens qui faisaient partie de sa famille. Il a bien dit que ces gens-là ne sont pas ses alliés. Car l'alliance n'est pas en soi pour la famille, mais d'abord pour la foi. Comme il dit Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Il a bien dit dans le sens, ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères en tant qu'alliés s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Et ceux qui les prennent en alliés parmi vous, ceux-là sont les injustes. Donc même le père, le frère, ou les alika, لا يتخذوا أولياء من دون الله ومن دون المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بكم فهو منهم. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit j'étais envoyé avec l'épée jusqu'à ce que Allah soit adoré seul sans associé et que mon risque, ma subsistance m'a été octroyé sous l'ombre de ma lance, c'est-à-dire par le djihad, par le combat. Et que l'humiliation et le rabaissement sera pour ceux qui se seront opposés à mon ordre. Et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a. Dans le sens, Allah dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié, en faisant preuve d'amour envers eux. Car ils ont certes mécru en ce qui vous est venu comme vérité. Et il y a plein de preuves qui sont dites sur cela, qu'il est obligatoire pour nous de détester les mécréants. Et comme on a expliqué, détester ne veut pas dire non plus leur faire du mal et les léser. Car même les mécréants ont des droits en religion. Mais dans ton cœur, tu ne peux les aimer. Tu ne peux les aimer, les prendre comme amis, comme certains disent. Avoir des amis parmi les mécréants, cela n'est pas possible. Et celui qui serait dans une telle situation, qui remette en compte sa foi, et son tawhid, et sa vision de l'islam. Et ces sujets-là ont été, alhamdoulilah, grandement abordés dans d'autres durus qui sont diffusés sur le site pour ceux qui veulent revenir. بعد هذا قال المؤلف حفظه الله تعالى فإذا قيل لك ما هي الديمقراطية فقول هي حكم الشعب نفسه بنفسه بغير كتاب ولا سنة. Donc si Amil te dit qu'est-ce que la démocratie, là c'est la 46e question. Si il te dit qu'est-ce que la démocratie, alors dit c'est le peuple qui juge par lui-même. Et cela sans livre, c'est-à-dire sans Coran, ni Sunna. Sans livre, ni Sunna. Donc là, le chérif fait allusion à quoi? À la démocratie, qui est le plus grand régime politique actuellement instauré sur Terre. Et il est instauré par les mécréants, bien évidemment. Et à savoir que la démocratie, c'est un jugement autre que celui d'Allah. Donc ça revient à ce qu'on avait expliqué, c'est un tarout. Yulidou yatahakamou il est tarout, wakad umiru yakfurubi. Ils veulent juger par le tarout, et cependant, il leur a été ordonné d'y mécroire. Donc la démocratie, c'est de la mécréance. L'origine de ce mot vient de, en latin ou en grec, démos, qui veut dire le peuple, et kratos, qui veut dire le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir revient au peuple. Le pouvoir revient au peuple. Le peuple décide de lui-même de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas. Et cela par le biais de gens qui le représentent, lors des assemblées, comme vous connaissez, nationales, avec des gens qui ont des fonctions, qui parlent et qui viennent avec des projets de loi, qui les exposent, et de là, des gens se mettent à voter pour savoir est-ce que ce projet est acceptable ou pas. Sans regarder le kitab, voilà sunna, voilà jay. Wa qala shaykh Mohamed Amanjami, rahimahullah ta'ala, « Al-démocratia lafzatun arjamiyatun ma'naha » dans son livre « Hakikat al-shura fil-islam ». Il dit que la démocratie, à la base, c'est un terme qui est non-arabe. Démocratia, comme on dit en arabe, c'est un mot qui n'est pas arabe. Qui revient à dire que le jugement revient au peuple. Le peuple se lui gouverne par lui-même. C'est lui qui décide des lois qu'il veut. C'est lui qui les rend légitime telle chose, ou pénalise telle chose, ou le contraire. D'accord? Sans regarder ce que Allah subhanahu wa ta'ala a émis comme loi. Donc le peuple revient à lui-même étant, comme étant l'adoré. Car la législation ne revient qu'à l'adoré. C'est une ibadah. C'est une ibada. Qu'ils s'en rendent compte ou pas. Ils pourront dire, nous, on n'adore pas. On dit ce que vous faites là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déclaré comme étant une ibada, une adoration. Car c'est lui, el-hakim. C'est lui qui juge. C'est lui qui délimite les choses. Et non pas les gens par eux-mêmes. Donc là, c'est une parole qui dit dans son livre, la réalité de la shura en islam. Wa qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun. Et que ceux qui jugent par autre que ce que Allah fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Wa qala ta'ala, am lahum shuraka'u shala'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur auront légiféré ce que Allah n'a pas autorisé? Donc ces versets démontrent bien que le fait de légiférer des choses, cela rentre dans le shirk. La personne qui fait cela s'associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fī mā shajara baynahum. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne te feront pas juger dans leur litige entre eux. C'est-à-dire que c'est l'islam qui doit juger entre nous. Al-kitab wa sunnah. C'est tout. Donc on a expliqué que la démocratie, c'est un ta'arut. Un jugement de ta'arut. Wa qala ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Que celui qui mécroit au tagout et qui croit en Allah s'est certes accroché à l'anse la plus forte qui ne peut se briser. Et Allah est parfaitement audient et l'omniscient. وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et éloignez-vous du ta'arut ». Donc la démocratie, elle ou autre, parmi les régimes politiques imposés par les humains, sont des tarawit qui n'est pas permis de s'y soumettre, ni d'obéir, ni d'agréer, et ni d'instaurer. Donc il faut savoir une chose, c'est que l'islam et la démocratie sont deux opposés qui ne peuvent se lier. Abadan. Celui qui croit en Allah doit croire en ce que Allah a fait descendre. Et doit renier et rejeter tout ce qui s'y oppose. Et ceux qui veulent faire croire que la shura, la consultation, c'est la démocratie, cela est un mensonge et une tromperie envers les gens. Ceux qui disent cela, soit est ignorant, ou soit alors c'est un trompeur et un menteur. Car la shura, ce qu'on appelle la consultation en islam, elle est faite sur certaines conditions, par des gens déterminés, des gens de science, et des gens d'expérience, et des gens pieux et droits. Et de plus, cette shura, a lieu sous certaines conditions, c'est-à-dire dans un cas où il n'y a pas, par exemple, de preuves sur une situation. La shura ne peut s'opposer à un dalil. C'est-à-dire, demain, il n'y a pas de shura pour savoir qu'est-ce qu'on fait du voleur. Il n'y a pas de shura pour savoir qu'est-ce qu'on fait du fornicateur. Il n'y a pas de shura pour savoir qu'est-ce qu'on fait de celui qui a tué volontairement un musulman. Réalisez les cas. La shura dans les choses sur lesquelles on n'a pas de texte clair, il y a une décision à prendre. En effet. Et cette shura, comme on l'expliquait, ne peut s'opposer à un texte. Abadan. Et la démocratie également amène à égaliser entre les gens. En islam, les gens ne sont pas égaux, comme cela va arriver dans la mas'ala qui arrive. Fi al-mas'ala al-sabi'a wal-arba'in. Fa idha qila lak ma hukmuha? Fa qul hiya shirkun akbaru. Wa ad-dalilu qawlu Allah ta'ala inna al-hukma illa lillah. Wa qawlu ta'ala wa la yushrik fi hukmihi ahada. Donc s'il t'est dit, qui est la 47e question, s'il t'est dit, quel est son jugement, c'est-à-dire la démocratie, alors dit, elle est de l'association majeure. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, le jugement n'appartient qu'à Allah, donc pas au peuple, il n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sa parole, et il n'associe personne à son jugement, c'est-à-dire Allah. Quand lorsqu'il émet un jugement, personne ne peut s'y associer. Donc après ce qu'on vient de citer comme preuve, nous savons que la démocratie, c'est du shirk et du kufr. Et ceux qui prônent parmi les gens de l'islam, comme on l'a expliqué, soit sont des ignorants, ou soit sont des trompeurs et des menteurs. Et cela, c'est une porte qui est très périlleuse, appelée la démocratie. Et ils la rendent légitime. C'est une porte qui est très périlleuse et amène aux portes de l'apostasie, wa la azubillah. Thumma qal. Al-mas'ala الثامن وأربعين فإذا قيل لك ما حقيقة الانتخابات فقل هي من نظام الديمقراطي المنابذ لشرع الله الحق فهي تشبه بالكفار والتشبه بهم لا يجوز وفيها ضرر كثير وليس فيها أي نفع ولا أي فائدة للمسلمين ومن أهم أضرارها مساواة الحق بالباطل والمحق بالمبطل حسب الأكثرية وتضييع الولاء والبراء وتمزيق شمل المسلمين وإلقاء العداوة والبغضاء والتحزب والتعصب بينهم والغش والخداع والاحتيال والزور وضياع الأوقات والأموال وإهدار حشمة النساء وزعزعة الثقة في علوم الشرعية الإسلامية وأهلها. Donc il dit, dans la 48e question, si on te demande quelle est la réalité des élections, qui elles sont un moyen justement de pouvoir appliquer cette démocratie. Alors dit, cela fait partie du système démocratique qui s'oppose à la loi d'Allah, qui est la vérité. Et cela est de la ressemblance aux mécréants, et leur ressembler n'est pas permis. Et cela contient beaucoup de préjudices, et aucune utilité ni de profit pour les musulmans. Et parmi ces préjudices les plus graves, l'équivalence du vrai avec le faux. Et de celui qui est du côté de la vérité avec celui qui est du côté du faux. Tout cela par rapport à quoi? À la majorité. Également, la disparition et perte de l'alliance et du désaveu. L'éclatement de l'union des musulmans. L'éclatement de l'union des musulmines. La propagation de l'inimitié et de la haine, du fanatisme et des partis. Et de la tromperie et de la perfidie et de la fraude, du mensonge. La perte de temps et d'argent. Ainsi que l'annihilation de la pudeur de la femme et l'ébranlement de la confiance en ce qui concerne les sciences de la charia et de ces gens. Donc c'est cela, la démocratie vient des koufars, donc l'appliquer amène à leur ressembler. Et cela n'est pas permis. Et celle-ci n'a aucun profit pour les musulmans. Le livre et la sunna sont parfaits et contiennent tout ce qui suffit aux musulmans afin qu'ils puissent gérer sa vie. Gérer même un pays, gérer une société et même gérer le monde. Et tout d'abord, se gérer lui-même. Parmi les préjudices justement de cette démocratie, que l'on égalise entre le vrai et le faux. Et que la vérité avec la majorité. Chose qui est fausse en religion. وَقَالَ تَعَالَى وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si jamais tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc cela n'est pas permis. La majorité n'est pas un argument. Des fois la vérité peut être avec une seule personne. كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. Que certes Ibrahim était une umma à lui tout seul. À lui tout seul, Ibrahim, sur la terre entière, à son époque, était le seul croyant. Lui et sa femme, et par la suite l'autre. Et toute la terre était dans le chef de la mécréance. Donc si demain, les gens, la majorité l'emporte, la solution sera vers eux, le haq sera vers eux. Alors cela n'est pas vrai en religion. Cela amène à perdre l'alliance et l'aveu, et le désaveu, comme nous avons expliqué. Car tu t'allies avec des gens pour mettre une chose en place qui très probablement s'oppose à la religion. Et cela les divise. Car si on vote pour une chose, c'est qu'on est séparé sur une idée, une idéologie. Donc chacun veut son idéologie et elle soit mise en place. Donc on se sépare en quoi? En partie. Al-Hizbiya. Chose qui est interdite en religion. Et ce qui amène à quoi? À la haine et l'inimitié entre nous. Et le ta'assob, pour ses parties. Chacun veut prendre le dessus sur l'autre. Cela amène à tromper. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man rashana falaysa minna. Celui qui nous trompe ne fait pas partie de nous. Et cela amène au zour. Wa zour, la fraude, yani le témoignage mensonger, cela est parmi les plus grands des péchés. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, su'ila 'an al-kaba'ir, fa qala ishrak billah wa huquq al-walidain wa qatl an-nafs allati harama Allah wa shahrat az-zour. Qu'il a dit les plus grands péchés sont le shirk, l'ingratitude envers les parents, le fait de tuer une vie qui est interdite et le faux témoignage. Et cela une perte de temps et d'argent. Pour tout ce que par exemple ces campagnes électorales demandent comme investissement, tout cet argent-là est de l'argent gaspillé et dépensé en vain. Et cela également annule la pudeur de la femme, car la femme est amenée à sortir et à aller voter. Et également, cela amène à égaliser entre l'homme et la femme. وَقَالَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَذَكَرُكَ الْأُنْثَى. Donc l'homme et la femme ne sont pas égaux. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِفْسُ شَهَادَةِ un rajoul. Est-ce que là, le témoignage de la femme, ça équivaut à la moitié du témoignage d'un homme? C'est-à-dire qu'il faut deux femmes pour celui d'un homme. Comme on dit Ta'ala, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَدِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Donc il dit, donc faites témoigner, prenez en témoignage, vous prenez en témoin deux hommes parmi ceux que vous agréez, et s'il n'y a pas deux hommes, alors un homme et deux femmes. Parmi ceux que vous agréez comme témoins, c'est-à-dire un homme et deux femmes. Car si l'une d'entre elles oublie, l'autre sera là pour lui rappeler. Car la femme est amenée à oublier plus que l'homme. On parle de la nature de la femme, du genre féminin et ne pas de chaque individu, bien évidemment. Également, cela amène à égaliser entre les pervers et les gens pieux. وَقَالَ تَعَالَى أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Allons-nous égaliser ceux qui ont cru et œuvré de bonnes œuvres comme les corrupteurs sur terre, allons-nous faire des pieux comme les pervers? أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَيَسْتَوُونَ. Est-ce que celui qui était croyant est comme celui qui est un pervers? Ils ne sont certainement pas égaux. Également, cela amène à égaliser entre l'ignorant et le savant. وَقَالَ تَعَالَى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc cette démocratie s'oppose totalement au texte de l'islam. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur cela. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق وراء الإيمان الموالاة في الله والمعادة في الله والحب في الله والبغض في الله. Que l'anse la plus fiable de la foi, la plus fiable, la plus ferme de la foi, c'est le fait de s'allier pour Allah et de se désavouer pour lui, d'aimer pour lui et de détester pour lui. Chose qui est malheureusement aujourd'hui faible, pour ne pas dire perdue, chez beaucoup de musulmans. Chez beaucoup de musulmans, ils se mettent à aimer leurs ennemis et à s'en prendre à leurs frères. Et à s'en prendre à leurs frères. Wal'a'adhu billah. Et cela est le fruit de leur ignorance en religion. Car le Coran aujourd'hui est lu de façon superficielle, comme des contes, comme des histoires. Mais tous les enseignements en tirés ne sont pas compris, ce n'est par très peu de gens. Illaman rahmahullah. Très peu lisent le Coran et méditent sur le sens du Coran. Et méditent sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons. Comment ils étaient, comment ils vivaient. Et comprendre les buts à atteindre par cette religion. Donc de là, nous avons pris aujourd'hui ces masa'il qui sont les gens qui nous revient, qui nous est obligatoire de détester le plus, qui sont les koufars, les juifs, les chrétiens et les associateurs. Également, nous avons pris qu'est-ce que était la démocratie, de façon brève, et son jument, qu'elle était du kufr akbar, shirk akbar. Et également, la réalité des intikhabat qui sont les votes, les élections. Des moyens justement de pouvoir exprimer cette démocratie. Donc bien faire attention à cela, surtout pour ceux qui sont dans les pays de mécréants. Faire très attention à cela, et à ce genre de discours par rapport à la démocratie. Et surtout les discours par rapport à l'alliance envers les mécréants. Tamam. نسأل الله والحمد لله رب العالمين.